Donc, on le répète, on est dans l'Apocalypse, chapitre 14, verset 6. On a commencé à voir, la dernière fois qu'on était ensemble, que l'homme récolte ce qu'il sème, ou ce qu'il a semé. Je parlais avec quelqu'un il n'y a pas tellement longtemps, et qui me disait que Dieu est très bon pour envoyer les gens en enfer. Dieu est trop bon. Dieu ne peut pas faire ça. Dieu ne peut pas décider délibérément, complètement, de dire, « Bon, mais toi, là, tu vas aller en enfer pour toujours, et tu vas souffrir là atrocement, ça ne va jamais, jamais s'arrêter. » Pour moi, ça me rend un peu dingue de penser que ça ne va jamais arrêter. J'ai lu un livre un jour, à n'importe quel prix. Ça veut dire que les gens étaient prêts à payer n'importe quoi pour arrêter de souffrir. Des grosses sommes d'argent. Ils sont prêts à aller dans l'autre bord du globe presque pour être soignés. Parce qu'ils veulent arrêter de souffrir. Il n'y a rien de plus terrible qu'un mal lancinant qui est toujours là. Des fois, on aimerait mieux avoir un coup de marteau sur un ongle, puis ça, au bout d'une heure ou deux, c'est fini. Mais c'est un mal qui est toujours là, qui s'accroche. Ça devient fatigant. Et ça ne se peut pas que l'enfer, quelqu'un tombe et irait dans ce lieu-là et qu'il souffrirait tout le temps. À cause que ça ne se peut pas, donc ils disent quoi? L'enfer n'existe pas. Mais pourtant. Ouais, de gros qui disent ça, que l'enfer, c'est sur la terre. Parce que. C'est quasiment pas acceptable là, que ce soit ailleurs. Fait que si ça va assez mal ici, ça ne peut pas aller plus mal de l'autre bord. Là. Et les gens ont beaucoup de misère à comprendre que Dieu ne va pas décider pour eux d'aller en enfer, mais que c'est eux qui décident d'y aller. Pour les gens, c'est très difficile à comprendre je ne suis pas en train de décider que je vais aller en enfer, je ne veux pas y aller, moi. Mais pourtant, la parole de Dieu nous dit que c'est l'homme qui décide d'aller en enfer. C'est l'homme qui prend ce choix-là. On va lire ensemble dans Matthieu, chapitre 25, verset 31 jusqu'à 46. Vous savez, on appelle ça le jugement du grand trône blanc. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Ils sépareront les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, et allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Donc ici, le texte est sans équivoque. Il y a deux endroits, mes convaincre. Ceux qui sont à la droite de Dieu, ces brebis-là vont aller avec lui, prendre possession du royaume que Dieu a préparé pour eux. Et ceux qui sont à sa gauche, ils vont aller dans l'enfer, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Mais vu que l'homme a fait allégeance au diable, en lui obéissant, en allant contre Dieu, ben, il dit, tu vas aller à la même place que lui. Dis-moi, qui tu choisis? Tu veux-tu avoir Dieu ou tu vas avoir Satan comme maître? Donc, si tu choisis Dieu, tu vas aller avec Dieu. Et si tu choisis Satan, tu vas aller avec Satan. La Bible dit ça autrement, choisis la mort ou la vie. Si tu choisis la mort, tu vas aller avec la mort. Si tu choisis la vie, tu vas aller avec la vie. Dans l'Apocalypse, on a vu ensemble au chapitre 13, c'est, dis-moi, qui tu adores? Si tu décides d'adorer Dieu, tu vas aller avec Dieu, mais tu meurs. Si tu décides d'adorer la bête, tu vas aller avec la bête. Et la bête va se retrouver en enfer, donc tu vas aller avec la bête, là où elle est. Donc Dieu, dans le fond, va juste nous donner ce qu'on a choisi. Hier, au restaurant, quand on a le serveur est passé, puis il a pris nos commandes, il nous a emmené ce qu'on avait commandé. C'est lui qui l'a emmené, mais on ne peut pas dire, « Hey, là, je n'ai pas pris ça, moi, là, je n'ai pas demandé ça. » Oui, c'est toi qui as demandé ça. Je l'ai écrit tout à l'heure. Tu as demandé ça, tu as eu ça. Tu as ce que tu as choisi. Oui, mais j'aime pas ça. Il est trop tard, c'est ça que tu as choisi. Si tu veux avoir autre chose, il faut que tu payes pour autre chose. Et nous autres, Dieu va nous donner, voici François, ce que tu as choisi. Voici ce que tu as choisi. Je vais te le donner. C'est ça que tu vas avoir pour l'éternité. On a vu ensemble, du chapitre 14, versets 1 à 5, que le groupe se divise en deux. La Bible appelle le premier groupe les 144 000. Et on a vu les autres qui avaient décidé d'adorer Dieu. Et à cause qu'ils ont décidé d'adorer Dieu, mais ils vont être avec lui pour toujours. Ils vont le suivre pour toujours. Il y a un verset qui dit: et je vis des trônes, et à ceux qui étaient assis fut donné le pouvoir de juger, et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, qui n'avaient pas reçu la marque sur le front et sur la main. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant ce temps-là, pendant 1000 ans ou pendant l'éternité après cela. Vu qu'ils ont fait le choix de ne pas prendre la marque de la bête, ils vont régner avec Christ. Donc l'homme va récolter ce qu'il a semé. C'est pas si... Excusez-moi. Tout à l'heure, je vous ai parlé, pendant le repas du Seigneur, de notre... destinée. Au moins, vous en souvenez, ça fait pas longtemps. Hein? Juste 5 minutes. Ça semble être contradictoire un petit peu. Hein? On a une destinée. Tu vas récolter ce que tu as semé. Voyons, c'est-tu destiné, moi, si je récolte ce que je vais semer? C'est-tu moi qui décide ou c'est Dieu qui décide? C'est qui? C'est les deux. C'est vrai, les deux. Dieu a décidé, et moi, ben, je décide, moi aussi. Mais la Bible nous dit qu'on va finalement décider ce que Dieu avait décidé. C'est dur d'aller mettre les deux ensemble, mais pour nous autres, hein? N'essayez pas, mes frères et sœurs, ne faites-moi mal à la tête pour rien. Accepter les deux comme étant deux choses vraies. J'ai fait un choix, mais Dieu avait fait un choix avant. Mais à cause, quand j'ai fait mon choix, et là que mes yeux s'en sont ouverts, j'ai réalisé que Dieu a fait un choix avant moi, et que ce choix-là est fait pour l'éternité. Ça m'a rendu rassuré que mon choix... Parce qu'il y a des gens qui croient la perte du salut, hein, puis ils vont me dire souvent, j'ai fait le choix de croire, donc je peux faire le choix de ne plus croire. Voyez-vous quand? C'est pas rassurant, là. Mais j'ai fait un choix, et je peux me rendre compte dans la Bible que ceux qui font le choix selon Dieu, ils étaient prédestinés à faire ce choix-là, et ce choix-là est pour l'éternité. Donc ces hommes-là et ces femmes-là ont fait le choix de ne pas prendre la marque sur la main et sur le front de la bête, de ne pas adorer le système de l'homme, de ne pas se tourner vers l'homme, vers lui-même pour être sauvé. Comme un peu mon entraîneur cette semaine qui disait, je m'amasse pour essayer de rien traîner. Je règle toutes mes affaires. Je fais pas de mal à personne. Puis j'essaie d'aimer tout le monde, d'être en paix avec tout le monde. C'est une bonne idée que tu as là. Mais je ne suis pas sûr que tu es capable de le faire. Moi non plus, je ne suis pas capable de le faire. Mais c'est son choix. Et donc, il va récolter ce qui succède. Si le Seigneur vient le chercher aujourd'hui ou demain, c'est ça que tu as voulu? C'est ça que je vais te donner. Tu n'avais pas besoin de moi. Je sais pourquoi il croit ça. Parce qu'il ne croit pas à Dieu. Il ne croit pas que Dieu a créé le monde. Il croit à la réincarnation. Il croit à un monde évolué. L'évolution. D'une évolution sans Dieu. Donc, il fait de son mieux pour préparer une place dans l'autre monde. Il croit qu'il y a un autre, que la vie continue après. Donc, il se prépare le mieux qu'il peut à faire face à ça. C'est vrai, s'il n'y a pas Dieu qui nous a sauvés, c'est ça qu'il faut faire. Hein? En pratiquant n'importe quelle sorte de religion, en essayant de faire le mieux qu'on peut, s'il n'y a pas de Dieu. Faut le faire nous autres mêmes, là. Mais ce matin, au chapitre 14, verset 6, on va voir qu'est-ce qui va arriver à ceux qui ont fait le mauvais choix. Ce matin, si ton choix ne sera pas fait, je t'encourageais à pas prendre celui-là. Va prendre celui-là. Prends pas celui-là. Si ton choix n'est pas fait, prends l'autre. C'est 100 millions de fois mieux que celui-là. On va voir ce matin la destinée ou le résultat du choix de ceux qui décident d'adorer la bête, d'adorer l'homme, d'adorer d'autres choses que Dieu, peu importe c'est quoi. Ce matin, à la fin de l'évangélisation 2000, il y a un temps pas de silence, mais il y a une image qui apparaît, il y a quelqu'un qui se met à prier à Sainte Vierge. Cette Mère de Dieu, priez pour nous, pécheurs. Maintenant, il y a l'heure de notre mort. Sauve-nous. Il priait que la Sainte Vierge les sauve. Si tu adores quelqu'un d'autre que Dieu, c'est la même valeur. Il me semble que Dieu va dire à plusieurs personnes, demande-y à la Sainte Vierge qu'elle te sauve. C'est ça que tu pensais qu'elle était capable? Vas-y donc demander à elle. Elle ne peut pas te sauver. Elle avait besoin de moi pour la sauver. C'est ça. Elle avait besoin elle aussi d'être sauvée, donc elle ne pouvait pas sauver personne. Mais tous ces gens qui mettent leur espérance en dehors de Dieu, que va-t-il leur arriver? Ensemble, le chapitre 14, verset 6. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre et à toute nation, à toute tribu, et à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. » Un second ange suivit en disant, « Elle est tombée. Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. » Un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange à la coupe de la colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. » Donc, il parle de la destinée ou de ce qui va arriver à ceux qui décident d'adorer autre chose que Dieu, de servir autre chose que Dieu. Parce que pour moi, adorer égale servir. Tu ne peux pas adorer quelqu'un sans servir quelqu'un, cette même personne-là. Tu ne peux pas être ébloui par la personne sans vouloir faire quelque chose pour elle. Adorer, ce n'est pas juste un feeling qui s'en va nulle part. C'est un sentiment profond d'admiration devant Dieu et qu'on veut faire de quoi pour lui. Ces hommes et ces femmes qui vont prendre la marque, pourquoi vont-ils prendre la marque? On l'a vu ça ensemble au chapitre 13. Pourquoi vont-ils la prendre? Tu peux me résumer ça dans une petite phrase? Pourquoi ils vont la prendre, cette marque, sur la main ou sur le front, finalement? Pourquoi ils vont faire allégeance à la bête? Oui, mais pourquoi ils vont décider de l'adorer, elle? Parce qu'elle fait des grandes choses, puis eux autres. Elle va faire des grandes choses. Hein? Une des choses qu'elle va faire, c'est des miracles, des prodiges pour séduire le monde. Qu'est-ce qu'elle va faire aux choses aussi, cette bête-là? Une des choses qu'elle va faire aussi, c'est qu'elle va les menacer de mort. Ceux qui ne prendront pas la marque n'en pourront plus quoi? Ni acheter, ni vendre. Et ils vont être pourchassés pour être tués par la bête. Non, ça va être une question de vie ou de mort. Et quand il y a une question de vie ou de mort, on prend des choix, hein? On prend des choix. Beaucoup de gens disent qu'ils vont faire ça ou ne feront pas ça. Mais quand la mort est devant, ça influence les décisions. Et beaucoup de gens vont décider d'adorer la bête, cette deuxième bête, non, cette première bête, parce que la deuxième bête pousse à adorer la première bête. Ils vont décider parce qu'elle va faire des grands prodiges, elle va les séduire par des miracles inimaginables. Elle va amener la paix dans le monde, elle va amener la sécurité pour les gens. Elle va leur faire du bien, elle va leur donner ce qu'ils veulent. Elle va les menacer de mort, ceux qui ne le feront pas. Et les gens vont se lancer pour l'adorer et la prier et faire tout ce qu'ils veulent aussi. Ils vont les identifier. Comme Dieu, dans le chapitre 7 d'Apocalypse, a marqué d'un sceau ceux qui lui appartenaient, La bête fait la même chose, elle marque aussi d'un sceau ceux qui lui appartiennent. On l'appelle l'imitateur. Hein? Satan est un imitateur. Et elle ne peut rien faire d'autre. Il ne peut pas innover. Dieu, lui, fait des choses, Satan a cette limité pour tromper. C'est un séducteur, hein? C'est un trompeur, c'est un menteur. Hein? Il essaie de séduire les gens. Donc, ils prennent cette marque-là, finalement, et pour avoir le droit de l'avoir, hein, il faut qu'ils fassent allégeance, il faut qu'ils adorent. Ceux qui vont l'adorer, ils vont recevoir la marque. Comme quand vous allez le jour de la cabane à sucre, que j'ai acheté mon vin, je vous ai donné, toum, elle m'a fait un petit tuc-tuc de sa main. Là, quand je me promenais, mais, si je voulais avoir à manger, il fallait que je monte ma petite patente. Là, parce que sans ça, je n'avais rien à manger. Hein? J'avais été identifié comme de quoi j'avais payé, mon Dieu. J'ai payé adoration à Satan. Il va me marquer et je vais avoir le droit d'acheter et de vendre. Je vais avoir le droit de vie. Et dans tous les systèmes religieux, vous marquerez. Il y a une forme de marque quelconque. Il y a une forme de marque quelconque pour démontrer qu'on fait allégeance à quelqu'un ou à quelque chose ou à une forme d'église quelconque. C'est sûr que vous allez voir des gens, vous allez voir parce qu'ils portent, parce qu'ils ont dans le cou, ou parce qu'ils ont marqué, qu'ils sont fait tatouer, ou ils vont s'identifier avec quelque chose par leur façon d'être. Ou bon, s'ils rentrent dans un temple de musulmans dimanche matin, une mosquée, mais tu sais qu'ils vont prier Mahomet. S'ils sont avec leur chapelet alentour, puis qu'ils font un rosaire, mais tu sais qu'ils prient Marie. Ils s'identifient avec quelque chose. Une fois, quand j'étais en Israël, j'étais avec en train de manger. Il y avait un homme qui se promenait tout le temps. À première vue, j'avais l'impression qu'il faisait un chapelet. Il y avait une espèce de chapelet. Il était gérant de la salle. Il était celui qui s'occupait de tout. Il montait plusieurs centaines. Qu'est-ce qui se promenait? Quoi? Il dit, il faut mettre un chapelet ici. Ça se peut pas. Je suis bien curieux de nature. Hein? Ça va peut-être me perdre. Il m'approche et je dis, c'est un chapelet, vous savez. Oui, c'est un chapelet, mais un chapelet musulman. Il y a 99 petites boules. C'est des petites prières. Il faut qu'ils fassent ça tant de fois par jour. Mais même en travaillant, je voyais virer son chapelet. Il disait des choses en ça. Pendant qu'il abordait les gens, il faisait son chapelet. Après, j'ai compris ça, je disais, oh, il s'identifie à ce qu'il croit. Tout le monde le fait. Qu'on le veuille, qu'on ne veuille pas, tout le monde le fait. Et là, il dit, voici ce qui va arriver. Première chose qui va arriver l'ange, premier ange qui dit quoi? Voyons, François, t'es dans la lune, là. Verset 6 et 7, là. Non, bien, il dit qu'il y a un ange, le premier ange qui vient, qu'est-ce qui amène l'ange? Il amène un évangile. Nous autres, l'évangile, c'est très positif. Hein? L'évangile, c'est quoi? Ça peut être traduit quoi? Une bonne nouvelle. Hein? L'évangile, c'est une nouvelle, une bonne nouvelle. Et l'ange arrive et dit, j'ai une bonne nouvelle à annoncer à tout le monde, à toute la terre entière. C'est pas, voilà, le sauveur est arrivé. Non, ça, c'est fini. La bonne nouvelle, c'est quoi? Le jugement de Dieu est arrivé. Quelle bonne nouvelle! On dirait, oh, c'est pas une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour qui? Pour nous autres. Pour Dieu. Pour ceux qui sont dans le ciel. Parce que ça marque la fin des temps qui arrive. Ça marque, c'est fini, là, l'histoire de la grande Babylone et de Satan. Tout ça va finir, cette histoire-là. Donc, il dit, j'ai une bonne nouvelle pour vous autres. C'est fini. Le jugement de Dieu arrive. Et le jugement de Dieu, ici, c'est pas... Voici, ben là, Dieu va nous juger, là, on va savoir ça. Non, non. Le jugement, c'est pour donner la condamnation. Ce n'est pas pour décider si tu es sauvé ou pas sauvé. C'est déjà fait, ça. Ici, le jugement, on va voir, c'est un jugement qui annonce la condamnation des gens. Et non pas à savoir si tu vas être condamné ou pas. C'est déjà décidé, ça. C'est déjà écrit, ça. C'est déjà, avant que tu meurs, tu sais, c'est déjà fait, ça, cette affaire-là. On n'est pas jugé en mourant. C'est déjà, tu es jugé pendant que tu es vivant. Parce que quand tu vas mourir, il n'y a plus de jugement. C'est déjà décidé, c'est fini. Pas de deuxième sens. Hein? Pas de deuxième sens. Il y avait un homme, j'avais lu un livre qui avait dit, la mort cristallise l'état dans lequel tu es. On me l'a dit, ça va rester comme ça pour tout le temps. Si tu meurs croyant et sauvé, mais tu vas rester comme ça. Si tu meurs non-croyant, tu vas rester comme ça aussi pour l'éternité. Ça, c'est la première nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Et c'est un ange qui l'annonce au monde entier. Le jugement de Dieu est arrivé. Donc, ceux qui ont pris la marque de la bête, leur première chose qu'ils vont recevoir, c'est quoi? C'est le jugement de Dieu ou la condamnation de Dieu. Dans Jean 3, 16, c'est marqué, ceux qui croient en lui vont recevoir la vie éternelle. Mais ceux qui ne croient pas sont déjà jugés. Et le jugement de Dieu les atteint. Et le mot jugement pourrait être traduit condamnation de Dieu. Il y a plus de jugement pour ceux qui sont en Jésus-Christ, Romains 8. Mais la condamnation est pour ceux qui n'ont pas cru. Donc, la bonne nouvelle est arrivée. Dieu s'en vient. Et son jugement arrive. Et c'est terminé. Le deuxième, il dit qu'il va, au verset 8, il dit, un autre ange, qu'est-ce qu'il va dire? Elle est tombée, Babylone la Grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin, de la fureur, de sa débauche. Et le mot débauche, ici, c'est la débauche spirituelle. Ce n'est pas une débauche sexuelle, mais spirituelle. Cette grande Babylone qui est la mère de toutes les vices, la mère de toutes les religions du monde, cette grande Babylone-là va être détruite. Elle va tomber. Même qu'on a lu, mais qu'on étudie ensemble le chapitre 18, on va voir qu'elle a été détruite, elle est en flamme. C'est une image qui dit, je vais dire, elle brûle. Il y en a qui disent que cette grande Babylone-là, c'est Rome. Peut-être. Peut-être. Parce qu'ils vont nous parler alors que la grande Babylone est assise sur une ville qui est construite sur 7 collines. Savez-vous que Rome est construite sur 7 collines? En tout cas, si c'est ça, c'est ça. Mais si ce n'est pas ça, la grande Babylone va être détruite. Et ceux qui font partie de cette grande Babylone-là, ceux qui ont adoré la bête, qui en font partie, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont être détruits. Elle va tomber. Elle va être détruite. Et la Bible va nous dire dans le chapitre 20 qu'elle va prendre la grande Babylone, ils vont la faire tourner comme une pierre, ils vont la jeter dans la mer. Elle va être détruite, elle va être comme enfouie dans la mer, ça va être fini. On ne la verra plus jamais. Ceux qui prennent la grande Babylone comme refuge, ceux qui vont adorer Satan et qui vont adorer tout son système de choses, vont être détruits avec Babylone. Ceux qui se réfugient dans la ville vont être détruits avec la ville. Babylone va être détruite. Et on va voir ça, mais qu'on étudie ensemble, chapitre 18. Ensuite, ils disent quoi au verset 9? Quelqu'un veut lire le verset 9? Verset 10 aussi. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ce qui va arriver, c'est que ces gens-là vont boire la fureur de la colère de Dieu. Et on va étudier ça ensemble la semaine prochaine, chapitre 15 et 16. Ce chapitre 14-là, ce verset-là, c'est comme un résumé de tout le récit de l'Apocalypse. Alors, on va voir tomber la grande Babylone, on va voir la colère de Dieu qui s'abat sur la terre avec les 7 coupes de la colère de Dieu. Il dit, ceux qui prennent la marque sont destinés à la fureur ou à la colère de Dieu. Avez-vous des exemples de l'Ancien Testament de la colère de Dieu? Sodome et Gomorre, toi t'as dit quoi, 20 000? 23 000 qui sont morts dans le désert. Puis avec Corée, aussi, la terre s'est ouverte, tout tombé en bas. Le déluge, c'est une manifestation de la colère de Dieu. Sodome et Gomorre, c'est une manifestation. La mer rouge, c'est une manifestation contre l'Égypte. Il y en est mort, on ne sait pas combien dans cette armée-là, de 100 000, peut-être 200 000, on ne sait pas combien de monde sont morts. Et c'est la colère de Dieu. C'est les 10 plaies d'Égypte. C'était la colère de Dieu contre l'Égypte qui adorait des idoles. Vous savez que chaque plaie attaquait un un dieu d'Égypte. Chaque plaie attaquait un dieu d'Égypte. Il y avait le dieu du Nil. Il y avait le dieu d'une grenouille qui était adorée comme dieu, parce qu'elle tombait des grenouilles. Il y avait chaque dieu, quand il y avait, c'était les ténèbres, parce que Dieu avait un dieu soleil. Donc Dieu attaquait. Allez-y, priez-les votre dieu. Donnez-moi si vous voulez de la clarté. Moi, quand je dis que c'est noir, c'est noir. Hein? C'est moi le dieu. Moi, je contrôle toutes ces affaires-là que vous autres vous appelez dieu. C'est moi qui les contrôle. Donc, il dit, je vais verser sur vous ma colère. Et c'est une colère, je me souviens d'avoir parlé avec des gens qui lisaient ça, puis ils disaient, mais ça se peut pas, Dieu ne peut pas faire ça. Dieu est trop bon. Alors, j'ai entendu ça. Dieu est bien trop bon, il ne peut pas faire ça. C'est comme des fois, les gens disent, une bonne mère ou un bon père, ça ne donne pas une tape sur les fesses à ses enfants. C'est un bon papa, fais pas ça. Pas sûr. Je crois que des fois, c'est correct de le faire, si on le fait bien. Un professeur qu'on a vu dit, t'es mieux d'en donner une de temps en temps, parce que lui, il va t'en donner si tu n'en donnes pas. T'avais déjà vu ça, les enfants, battre les mains ou battre les pains? J'ai vu ça, moi. Pas chez nous, par exemple? J'ai vu ça ailleurs, dans des épiceries, mon gars. Les petits gars donnaient des coups de pied à eux-mêmes, mon gars. Fais ça, puis je vais avoir ça, puis donne des coups de pied à eux-mêmes. La main, ils achetaient. Mais Dieu, il dit, moi, je vais verser sur la terre. Puis il prend l'exemple de coupe, puis il dit, jusqu'à la lie. Savez-vous, c'est quoi la lie? Ceux qui font du vin, là? On fait pas du vin, ça? C'est ce que dans le fond, c'est quoi qu'on appelle ça? Le dépôt? C'est, on appelle ça, c'est le lit. Il dit, vous allez boire jusqu'à la lie. Ça veut dire, jusqu'à la dernière goutte, même ce qui n'est pas bon, vous allez le boire aussi. Je vais tout vider ma colère. Ça va être l'expression ultime de la colère de Dieu. Ce qu'on a vu jusqu'à date, qu'on a nommé tout à l'heure, à partir de la création jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'était des gouttes, on appelle ça des petites gouttes de la colère. Dieu a laissé tomber des petites gouttes de sa colère pour qu'on voit que des fois, il n'aime pas ce qu'on fait. Il n'est pas d'accord avec ce qu'on fait. Mais à un moment donné, il va vider toute la coupe jusqu'à la lie. Ça va être la colère à l'extrême sur la terre. Ça va être une colère juste. Et ça, selon ma compréhension, cette colère-là qu'on vient de, qui dit qu'ils vont boire, la Babylone qui va être détruite, qu'ils vont boire la colère de Dieu, ça va se faire pendant que le monde est encore vivant. Ça va se faire pendant qu'ils sont encore sur la terre. Mais là, il va un verset plus loin. Il va dire qu'au verset 10, il dit qu'ensuite ils vont être jetés, puis ils vont être tourmentés dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Donc, cette colère-là va se poursuivre pour l'éternité. Donc, pendant qu'ils vont sur la terre, ils vont recevoir la colère de Dieu, mais après qu'ils vont être morts, la colère de Dieu va être encore là. Ils vont la subir. Ils vont être tourmentés dans le feu et le soufre. Pourquoi vous pensez quand vous pensez à tourmenter? Quelqu'un qui se tourmente. Quand vous fermez la tête, là, vous fermez les yeux, vous voyez quelqu'un qui se tourmente. Qu'est-ce que vous voyez? Il est obsédé par quelque chose. Obsédé? À quoi ça ressemble quelqu'un d'obsédé? Oui, c'est quelqu'un qui se tourmente, c'est quelqu'un qui se tortille. Tu sais, qui a mal, là. Tu sais, quand quelqu'un a mal, on saute. Quelqu'un qui est tourmenté, c'est quelqu'un qui souffre atrocement. Le mot dans la langue originale, c'est un mot fort, un tourment affreux. Les mauvais anges et le diable vont danser aussi, pareil comme les autres. Nous autres, les vieux catholiques, là, on pense que le diable va danser de joie, lui, dans l'enfer. Ce n'est pas vrai. La Bible nous dit qu'il va être lui aussi tourmenté au siècle des siècles. Lui aussi, il va se lamenter. Tous les anges qui sont déchus vont se lamenter, et tous les autres aussi vont se lamenter, pour l'éternité. À cause de la colère de Dieu. Et ce tourment... Tu sais, il nous donne un exemple. Tu vois, les gens me demandent, François, tu crois-tu qu'il va y avoir du vrai feu dans l'enfer? Crois-tu qu'il y a vraiment du vrai feu? Je ne sais pas, je dis. Je sais pourquoi Jésus a employé l'exemple du feu. Savez-vous pourquoi Jésus a employé l'exemple du feu? Il dit, c'est quand il va jeter dans la géhenne. C'est quoi la géhenne? Non, mais dans le temps de Jésus, là, La GN, c'est un lieu bien précis. C'était la dompe. La GN, c'est une dompe. Et c'était un feu qui était continuel. Et c'est pareil comme si on te jetterait dans la dompe, dans ce feu-là, puis tu vas rester là toute ta vie. Tu vas brûler là, dans la dompe, tout le temps. Drôle de place, hein, pour passer l'éternité. Drôle de place, hein? Puis tu dis, ce feu-là s'éteint jamais, parce que la dompe, ça brûlait tout le temps. Il y avait toujours de la cochonnerie qu'on jetait, ça brûlait tout le temps. Fait qu'il y a pris un exemple que les gens comprenaient. C'est pas, il dit, l'enfer, c'est comme vous seriez jeté dans la géante, dans la dompe, dans le feu, là, puis vous allez vous lamenter. Vous dites, j'ai vu ça des gens qui se font brûler. Et, mon ami. Moi, j'ai vu que ma petite soeur s'est ébouillantée un bras une fois. C'était pas facile. En en steppant un coup. Puis vous allez dans des places qui ont des grands brûlés qui appellent, là. Ou qui ont brûlé trois quarts du corps, là, des fois, là. Et ils disent que c'est la pire affaire. Tu aimerais mieux avoir mon beau-frère, il conduisait un camion de goudron pour mettre sa fête, là. C'est 300 degrés de chaleur, ça. Puis là, il mettait une hausse, puis après sa vanne, après son gros système, puis il pluguait ça dans l'usine, puis ça se vidait dans l'usine. Puis à un moment donné, la hausse où ce qui était au camion s'est découplée. Puis il a reçu ses deux bras. Et c'était épouvantable. Ça rentrait dans la peau. Il a rentré dans l'usine, il s'est mis les deux bras dans un 45 gallons de fioul pour diluer le goudron. Mais là, il y en a qui ont crié, « Fais pas ça, tu vas t'empoisonner, tu vas mourir. » Puis je les ai enlevés. J'aurais dû laisser dedans. Quand ils ont enlevé, le cœur était dedans deux fois. Il est mort deux fois. Il réanimait deux fois de suite avec les patentes. Hein. Finalement, c'est vous ce qu'ils ont fait. Ils ont ouvert le ventre, puis ils ont rentré le bras dans le ventre, ils ont recousu tout ça là, pour que la peau reprenne. Ils font ça à cette heure. Avant ça, ils vont t'essayer avec la peau de cochon. Parce qu'il faut que l'air arrête de frapper dessus. C'est pour ça qu'il dit qu'il met de la graisse, il faut que l'oxygène arrête d'y aller. Fait qu'il faut qu'ils mettent quelque chose pour que la peau reprenne en dessous. Fait que des fois, ils vont essayer avec la peau de cochon. Des fois, si ça ne prend pas, ils vont mettre le bras à l'intérieur, ils vont tout. Puis là, tout le corps veut guérir le système. Puis c'est comme ça qu'ils l'ont guéri, mais ils l'ont sorti de là après, il y avait une belle peau rose. Mais ça fait drôle de se pogner de l'intérieur. Ils mettent un cordon aussi maintenant. Des fois, oui, ils font ça. Si c'est trop, là, ils vont comme le mettre dans, vont l'endormir, ils vont le geler dans les yeux, on va dire, là, tu sais. Parce que c'est trop souffrant. Ils vont mourir d'une crise de cœur souvent à cause de la souffrance. Donc, là, Dieu dit, tu vas tomber là-dedans, tu vas dans un feu, tu vas toujours brûler. Moi, je dis toi, Jean, qu'il y ait de l'eau, qu'il y ait du feu, qu'il y ait de la neige, jusqu'à n'importe quoi que tu penses, tu vas souffrir. Ça va être un tourment épouvantable. Hein? Puis cette semaine, pendant que je préparais, je me disais, le Seigneur Jésus a souffert ça pour moi. Oui, il a souffert ça. Il n'a jamais dit un mot quand on l'a fouetté, cloué, mais quand son père l'a abandonné, c'est juste à ce moment-là qu'il a crié. Il souffrait là, à ce moment-là. Moi, je crois que c'est ça qui l'a fait suer du sang dans le jardin. C'est pas le poids d'avoir des clous. Ah oui, je crois que ça fait toujours mal d'avoir des clous. La souffrance de subir la colère de Dieu, d'être tourmenté à cause du péché, ça doit être quelque chose de terrible. Hein. Il dit que ce tourment n'aura pas de fin. Il n'aura pas de fin. Il va être éternel. Il dit que ça, au verset 11, qu'il dit ça, et ensuite, ça, il va dire que ce tourment-là, il n'arrête jamais. C'est jour et nuit. Ça veut dire que c'est constant. C'est pas, ça va durer 8 heures, je vais pouvoir me poser 8 heures, puis je vais savoir commencer demain 8 heures. Non, c'est continuel. Jamais s'arrêter. Ça n'arrêtera jamais. Mon ami, qu'on peut dire merci au Seigneur que ça ne nous arrivera pas. Hein? Ça ne nous arrivera pas. Ça nous montre entre nous, frère et soeur, la gravité du péché. À quel point Dieu déteste le mal et le péché. Vous savez ce qu'Adam et Ève ont fait dans le paradis? Manger un petit fruit de l'arbre défendu. Ça semble tellement innocent, hein? Mais pour Dieu, c'était l'affront. L'affront. Tu ne peux pas faire plus que lui désobéir et adorer Satan au lieu d'adorer lui qui t'avait créé. C'était l'affront épouvantable. Tu sais, des fois, moi, je dis aux jeunes, « Ouais, moi, je ne fais pas des gros péchés. C'est-tu plus banal que de manger un fruit dans un arbre? C'est-tu plus banal, ce que tu as fait? Adam et Ève ont juste mangé un arbre, une petite pomme, là, si on veut l'appeler pomme, ou une banane, c'est ce que tu voudras. Ils ont mangé un fruit. Et regarde ce que ça a fait. Ton péché, es-tu plus innocent que ça? C'est-tu moins grave que ça? D'avoir volé, triché, menti, d'avoir été orgueilleux, d'avoir fessé, maltraité les gens, c'est-tu moins pire que tu as fait? C'est 100 000 fois pire. Fait, si lui il a reçu ça à cause de manger un fruit, imagine-toi nous autres, ce qu'on mériterait, après ce qu'on, les milliers qu'on a fait, parce que c'était combien? Le premier, c'était un. C'est fini. C'était la mort, la souffrance. Un. Imagine-nous, nous autres. On en fait un à la minute. Des péchés, on en fait. On est pécheurs, hein? Mais le tourment qu'on méritait nous a été enlevé. C'est ce qu'il dit au verset 12. C'est ici la persévérance des saints. C'est pour ça que les saints persévèrent. Ils regardent à l'avant et ils savent les conséquences. Ils savent qu'est-ce qui arrive à ceux qui adorent la bête. Ils savent qu'est-ce qui arrive à ceux qui adorent Dieu. Et ils persévèrent dans la foi, malgré ce que les hommes pouvaient faire souffrir. Pourquoi? C'est rien en comparaison à ce que Dieu va faire souffrir ceux qui rejettent Dieu. J'avais prêché une fois, « Souffre aujourd'hui ou demain, fais ton choix. » Tu vas souffrir à cause de Jésus aujourd'hui. Mais si tu ne souffres pas à cause de Jésus aujourd'hui, tu vas souffrir de la part de Jésus, mais tu meurs. Mais tu vas souffrir. Souffre maintenant ou souffre plus tard, mais tu vas souffrir. Éternellement, mais beaucoup plus atrocement. C'est ça que l'apôtre Pierre, il dit, le jugement de Dieu, ou la, si vous souffrez en tant que chrétien, n'ayez point honte, acceptez-le. Ceux qui vont souffrir à cause qu'ils ne sont pas chrétiens. Jésus a dit un petit verset que ça m'a pris du temps à comprendre. Il dit, si on fait ceci au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? C'est qui le bois vert? Dans le texte, c'est Jésus. Si on me fait souffrir, moi, si on me fait souffrir la mort, moi, le bois vert, le juste, qu'est-ce que Dieu va faire au bois sec? Imaginez, hein? Qu'est-ce qu'il va faire? Que le Seigneur puisse nous aider. Moi, ce que j'appelle être en louange. Aussi souvent qu'on le peut, devant tout ce qu'il a fait pour nous. Parce qu'il dit à la fin du verset 12, « Et leurs œuvres les suivent. Leurs œuvres les suivent. » Nous, on dit, « Tiens, on n'est pas sauvé par les œuvres. » Pourtant, l'Apocalypse a dit que c'est les œuvres ici. Mais les œuvres, quelles œuvres dont il parle ici, c'est les œuvres de leur choix qu'ils ont faites. Les œuvres qu'on vit, la vie qu'on vit aujourd'hui démontre qu'on adore Dieu, qu'on adore Jésus-Christ qui nous a sauvés. C'est ça nos œuvres. C'est pas les œuvres de bon je ne fais pas de péché, là, je donne de l'argent du pauvre, là. C'est ça, c'est pas ça les œuvres qui parlent ici. C'est les œuvres qui manifestent notre foi en Dieu et notre foi en Jésus-Christ. Des œuvres qui manifestent qu'on proclame la bonne nouvelle du salut en Christ. C'est des œuvres, ça. C'est ça, ces œuvres-là qui manifestent qui on est. Nous autres les chrétiens. Une des grandes œuvres qu'on fait, c'est qu'on n'essaye pas de se sauver. On dit qu'on est sauvé. Ceux qui essaient de sauver, ils sont en train de dire que Jésus ne les a pas sauvés. Ils vont être condamnés à cause de ça. Donc, le Seigneur puisse nous aider à être reconnaissants. Et pendant qu'il est encore temps de proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile, que Jésus est venu pour nous sauver. Je suis bien content que ce n'est pas celui qui va proclamer la bonne nouvelle du jugement. C'est un ange qui va faire ça. Moi, j'étais appelé à proclamer la bonne nouvelle du salut. C'est toujours donc plus intéressant. Hein? J'aime autant dire « t'as gagné 1 million » que d'être le huissier qui vient dire « tu dois 1 million ». J'aime autant faire la job du gars qui va dire à l'autre « t'as gagné quelque chose » que de dire « tu me dois ça ». Ça, il me semble que je n'aimerais pas ça faire ce job-là. Quand je n'aimerais donc pas ça. Il en est venu juste une fois un huissier à ma porte. Il n'a pas l'air de trouver la journée belle. Parce que ce n'est pas quelque chose d'intéressant, hein, d'aller dire à quelqu'un qui est tapé à l'encours, ben non, la police te charge, il faut quoi. Que ça puisse nous aider à être des hommes et des femmes reconnaissantes et des hommes et des femmes qui vont essayer de ne parler avec d'autres de leur foi en Christ. Prions ensemble. Notre Père du ciel, cette destinée qui leur est, ou ces conséquences qui vont leur être données à cause de leur choix, ça nous semble si terrible, ça nous semble si fort. Ça nous montre à quel point tu es le mal, tu es le péché. Aide-nous, Seigneur Dieu, à être reconnaissant. Oh Seigneur, qu'on soit en louange, qu'on soit en adoration devant le grand salut que tu nous as accompli en Jésus. Seigneur, le tant de monde qu'on connaît, des frères, des sœurs, des enfants, des parents, qu'on sait qu'ils s'en vont dans cette direction-là. Quelle terrible attente. Seigneur, on en a des amis, des parents, des frères, des sœurs, peut-être une mère, un père, qui sont déjà morts et qui ne sont pas morts dans la foi. Oh mon Dieu, aide-nous à être sensibles à leurs besoins, à être remplis de compassion comme Jésus, qui regardait les foules, qui étaient abattues, qui étaient accablées, déprimées, qui n'avaient pas de berger. Aide-nous, Seigneur Dieu, à être plein de compassion pour eux, plein d'amour, plein de capacité pour leur parler de toi et de leur dire la bonne nouvelle en Jésus. Et c'est au nom de celui-là qui nous a sauvés de ce jugement terrible que nous te prions. Amen. Amen. Viens vous lever, on va chanter le dernier cantique. Et ça va être un cantique qui dit « Chant de victoire, hein? Avec Dieu nous ferons des exploits, car c'est lui seul qui écrase l'ennemi. Hein? » C'est lui qui fait tout ça pour nous. Bonne semaine à chacun. Oui. That's good. Oui. OK.